et on a écrit une chanson qui s'appelle California Dream, elle est pour vous. Salut Brandon. Salut Dylan, ça va? Et toi? Ça va comme sur des roulettes. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, j'ai été pas à l'école, j'ai été faire du surf, et toi? C'est vrai, moi j'ai fait un peu de planche à roulettes, c'était génial. Avec Britney? Ouais, ça te dit qu'on fasse quoi là? Un peu de pop musique là. Bon, d'accord. Rentrer à la Jupiter. Moi je me bouffais un bout de putain. Moi, je suis un nain quand j'ai décidé de t'aborder. Wabou, gloire et beauté. Des trucs qui font rêver. On est allé surfer. Les planches étaient bien fortes et les morts. Wouh wouh wouh. Les vagues étaient plutôt bien. Jusqu'à ce que celle-là la pire. Bravo, la liberté. Des trucs qui font rêver. Passage romantique. Je vais pouvoir vous présenter notre trompettiste. Il s'appelle Robin. Du patin ou à roulette. Wow, c'était bien avec toi, ma poulette. J'ai voulu une dernière fois t'enlacer. Puis tu m'as dit que tu partais. Allez, on descend. Muchas gracias. Du coup, maintenant on va faire celle qu'on devait faire avant.